12-36, activation orale, présent de l'indicatif, personne du singulier. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Tu comprends? Et vous répondez. Oui, je comprends. Bon, on y va. 2. Tu sors? Oui, je sors. 3. Tu fais la sieste? Eh oui, je fais la sieste. 4. Tu connais la famille de Mireille? Oui, je connais la famille de Mireille. 5. Tu prends l'autobus? Oui, je prends l'autobus. 6. Tu viens au cinéma? Oui, je viens au cinéma. 7. Tu peux venir? Oui, je peux venir. 8. Tu apprends le français? Eh oui, j'apprends le français.